Mais pour le moment, il est avec nous tous les mardis. Raymond Poirier, bonjour, bon matin. Bon matin. Raymond, bon, donc c'est ton habitude d'aller voir pour nous différentes conférences scientifiques. Alors, tu as assisté dernièrement à une journée de conférences sur les systèmes d'information géographique. Alors, la géolocalisation, le GPS, c'est une technologie qui nous entoure, là, évidemment, dans la vie de tous les jours. Exactement, et c'est intéressant parce que de plus en plus, on voit des possibilités s'ouvrir avec l'évolution technologique. On en parle quand même beaucoup ici au fil des chroniques, de voir à quel point ça évolue rapidement. Ouais. Alors évidemment, ben, les possibilités qu'on a en lien avec la carte, avec la géolocalisation, ben, sont de plus en plus imposantes. Et c'était une journée quand même assez intéressante parce que ça nous a permis justement de saisir et de voir la teneur, si on peut dire, de ces modifications-là, de ces mutations-là, dans un contexte, et j'aurais envie peut-être de commencer par le philosophique, parce que je trouve que ça établit bien un peu les bases de la réflexion qui a été proposée ou qu'on pouvait recevoir, si on peut dire, de cette journée-là. Alors, c'est Stéphane Roche, qui est professeur au département de sciences géomatiques, qui dit, regardez, on habite dans une société qui est numérique, dans une société qui est spatiale, et les deux en viennent à communiquer l'une avec l'autre à travers, comme tu disais, Dominique, la géolocalisation. Donc, je vais au restaurant, je m'y rends physiquement, mais également, je suis géolocalisé avec mon téléphone intelligent. Je peux, en plus, moi, décider de tweeter mon repas ou d'instagrammer mon plat, le faire avec également une géolocalisation. Donc, j'ai une relation particulière avec le lieu dans lequel je vais manger, dans la mesure où j'y suis physiquement et j'y suis virtuellement. Ben oui, la dernière version d'iOS, l'application photo, on nous montre une carte où on voit vraiment très précisément les endroits où on a pris des photos. C'est très pratique, mais jusqu'à un certain point, c'est inquiétant. En tout cas, ça a le bénéfice de nous montrer, de nous prouver, de nous rappeler qu'on est suivi à la trace par les Apple et les Google de ce monde. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on réalise des cartes sur le trafic. Et je le mentionnais un peu plus tôt à l'émission en annonçant ta présence. Il faut simplement regarder sur le haut de notre écran. Il y a souvent ce petit signe qui nous indique qu'on est géolocalisé. On sait pas trop pourquoi, souvent, on sait pas quelle application est en train de nous géolocaliser, mais on est suivi à la trace, là. On est suivi à la trace et la manière par laquelle on habite la ville, évidemment, va permettre aussi de définir les lieux qui occupent la ville. Et le professeur Roche disait, en lumière de ça, il faut élargir la perception qu'on a du lieu. Il donnait l'exemple des plaines d'Abraham. Il disait, regardez, les plaines d'Abraham, en saison régulière, c'est un endroit. Un parc. Pendant le festival d'été ou pendant la fête nationale, c'est pas du tout le même endroit. Pendant le carnaval ou pendant l'hiver, c'est pas et non plus le même endroit. C'est pas les mêmes usages, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas la même ambiance, même si c'est la même localisation. Alors, d'une certaine manière, à travers ces usages-là existent physiquement, mais on permet donc de les transcender, de les pousser plus loin par le virtuel en témoignant justement de l'expérience du lieu qu'on vit. Alors, il disait, il y a cette dimension-là, évidemment, mais ça veut dire aussi que tous les petits choix qu'on fait, tous les choix qu'on... les décisions qu'on prend en matière de déplacement, qu'ils soient conscients ou inconscients, le fait d'aller travailler à pied, d'aller travailler en auto, le fait de se rendre à tel commerce, par telle manière, par telle rue, etc., ben ça vient aussi qualifier notre relation avec le lieu, ça vient qualifier également, disons, l'orientation qui va peut-être éventuellement être donnée à ce lieu-là, parce que on peut avoir un usage, une idée d'usage pour un endroit, mais l'usage peut être détourné par les usagers réels ouais, de cet endroit-là. Donc, on parle d'une place publique, d'un lieu public, et ben peut-être qu'on va l'avoir pensé pour une occupation, mais finalement, les gens vont se l'approprier différemment, mais ils vont se l'approprier collectivement. Alors, il y a toute cette relation qui le qualifiait, et il disait, ben, à travers justement le numérique, ça nous permet peut-être de mieux comprendre et peut-être de mieux voir venir aussi c'est la nature de ces occupations-là, ou de mieux accompagner les usages. Parce que le numérique nous permet d'aller chercher des données probantes sur les usages physiques et peut-être de mieux orienter aussi le développement de nos villes, le développement de nos espaces. Bon, on a un bel exemple. Aujourd'hui, il y a un forum sur le pont de Québec. Bon, on peut penser aussi au projet de troisième lien. Alors, il y a le ministère qui produit à toutes les 5 années une très coûteuse étude sur les origines, destinations, donc les gens qui empruntent les ponts, d'où ils viennent, où ils s'en vont. Et ça, ben, c'est une information qui est très utile pour nous si on veut construire un troisième lien qui va coûter des milliards de dollars et qu'on veut construire au bon endroit, ce sont des données qui sont précieuses. Et même lui, en fait, en ce sens-là, Dominique, si on pousse un peu plus loin, le professeur Roche disait, regardez, de faire un changement dans un quartier, même parfois un changement qui peut paraître léger, petit, peut avoir une résonance beaucoup plus large, au-delà des frontières même de ce quartier. Donc, le numérique a permis peut-être de saisir des relations qui étaient déjà existantes entre les lieux physiques. Donc, de voir, en fait, l'espèce d'effet papillon, presque, qu'on peut avoir en disant, disant, ben, on aménage un lieu, un nouveau parc, un nouvel espace dans tel quartier, eh ben, peut-être que ça va changer des habitudes un peu plus loin, qui vont entraîner d'autres changements d'habitudes, qui vont eux-mêmes entraîner d'autres changements d'habitudes. Et ça, c'est pour des petits aménagements. Imaginons, évidemment, avec des grands aménagements, à quel point l'effet papillon pourrait être massif. Mais encore faut-il que nos décideurs, là, aient conscience de l'importance de cette variable-là de spatialité qu'ils l'incluent dans leur prise de décision. Et ça, c'est pas gagné, là. C'est pas gagné, mais ça se fait de plus en plus parce qu'on parlait au départ de nouvelles technologies qui émergent. Alors, c'est des nouvelles possibilités aussi. Quand on parle, par exemple, il y avait une conférence de Martin Simard, qui est professeur au département de géographie, qui, lui, s'intéresse aux perturbations naturelles. Les grands feux de forêt. Mm-hmm. La tordeuse de bourgeons d'épinette. Donc, comment ça se passe, la propagation de ces feux, de ces épidémies-là? Qu'est-ce qui nous permettrait peut-être de saisir l'évolution de tout ça et de pouvoir prédire de quelle manière ça va évoluer? Alors, lui dit, ben, regardez, avec toutes les informations qu'on est en mesure d'aller chercher sur la composition, la nature de notre territoire, en superposant ces informations-là, on est en mesure de pousser plus loin l'analyse, de comprendre le contexte très local, le contexte plus global, et de pouvoir éventuellement en arriver à prévoir un peu qu'est-ce qui s'en vient. Alors ça, c'est un changement quand même de taille et qui fait que aujourd'hui on est en mesure d'avoir une carte nationale des risques de feux de forêt, mm-hmm, pour déterminer en fonction de facteurs préétablis la probabilité qu'il y ait un feu à tel ou tel endroit, et que s'il y a un foyer à tel endroit, ben quel pourrait être, selon ce qu'on connaît de la nature du territoire en fonction d'autres facteurs environnementaux, les vents, la météo et le reste, mais quelle pourrait être la propagation à prévoir de ce feu-là également. Alors, on va quand même assez loin. C'est la même chose aussi dans d'autres pratiques. Remarque, en histoire, en archéologie, on a eu un conférencier de Parc Canada qui est venu, Marc-André Bernier, témoigner des travaux qui sont faits pour retrouver les navires abandonnés de Franklin dans le cercle arctique. Ah oui. Je rentrerai pas dans le détail historique, mais il y a eu une découverte majeure qui a été faite un peu plus tôt cette année. Et essentiellement, on est en train de réécrire l'histoire du Canada, l'histoire de cette expédition-là. Mais d'un côté numérique, ce que j'ai retenu, c'est grâce aux technologies, bien, on peut qualifier de manière encore extrêmement détaillée un site, un endroit, un vestige, et pouvoir déjà aller chercher des questions de recherche plus pointues pour orienter ensuite les travaux. On peut préserver de manière aussi beaucoup plus rapide le matériel qu'on va retrouver. Alors, on a là deux beaux exemples, je trouve, de façons par lesquelles le numérique va entraîner certains changements. Absolument. Va entraîner des changements culturels ou des changements pratiques quand même assez profonds en ces expertises-là. Alors, on peut imaginer que ça fait boule de neige aussi dans d'autres secteurs, là. Ouais, et pour en revenir dans le quotidien de nos auditeurs, il y a une autre application de ces technologies de géolocalisation. Ben, c'est notamment le système NODMAD temps réel du réseau de transport de la capitale. Ça, c'est bien pratique. Depuis quelques mois, ceux qui empruntent les métrobus peuvent savoir à quelle heure exactement leur autobus va passer. Et ça, ben, bien entendu, c'est grâce à des technologies, là, en géographie, en géolocalisation. Et Luc Sanson, en fait, je parlais tantôt de changements culturels, de changements majeurs. Monsieur Sanson, le conférencier du RTC, disait, ben, essentiellement, regardez, ça n'a pas juste changé le quotidien des chauffeurs, ça n'a pas juste changé le quotidien des contrôleurs ou des clients, ça a changé vraiment l'ensemble de l'organisation, ce changement technologique-là qui est majeur pour cette organisation-là. Absolument. Aussi. Mmh. Alors, pour rappeler, on parle, dans le fond, d'un odomètre et d'un GPS qui sont mis à profit pour avoir le positionnement du véhicule. D'autres données qui permettent de faire un suivi, donc en temps réel, des parcours d'autobus, tout est défini, on a l'information, on est en mesure de savoir plus précisément où est l'autobus, dans combien de temps va-t-il arriver, quel détour lui faire faire s'il y avait un problème en cours de route. On dit que ça bonifie aussi pour l'autorégulation pour le chauffeur, parce que c'est précisément à quel moment il doit arriver à chaque arrêt, ce qu'il doit conduire plus vite, plus lentement, etc. Et avec ça, on a des données aussi qui deviennent de plus en plus précises, et ça, c'est impressionnant. On parle d'à peu près 100 tables de données mises à jour quotidiennement, 250 gigaoctets qui ont été collectés depuis le début du projet de la mise en place de NODMAD, depuis la phase pilote, là, de l'hiver 2014. Au quotidien, on parle de 800 000 enregistrements, de 920 millions d'enregistrements de la position des autobus aux 5 secondes. Wow. Alors, là, la grande question qu'on a au RTC, c'est comment rentabiliser ces données-là, mais nécessairement, ça veut dire qu'on sait de manière plus précise quels sont les parcours, qui monte, quand, qui descend, où, sans nécessairement avoir accès aux données personnelles de chaque passager, on s'entend, là, mais on va être en mesure d'avoir un meilleur portrait d'origine, destination à partir de ces données-là, donc qui va peut-être aussi permettre d'orienter le développement des parcours dans l'avenir, sait-on jamais. Eh oui, donc, en tout cas, moi, comme usager du RTC, j'étais bien content de voir l'arrivée de cette technologie, un peu surpris du temps qu'il a fallu aussi pour qu'elle apparaisse, parce que le GPS, on connaissait depuis longtemps, mais il fallait avoir une technologie qui soit vraiment très réussie, très très fiable, là, c'est ça qui arrive. Là. Exact. À la Ville de Québec, toujours, ben, y a un travail aussi qui est mis en place pour rendre les rues plus conviviales. Quand on réaménage une rue, ben, on met à profit toutes ces technologies-là, bien sûr. Exactement. Et c'est un peu dans la continuité, en fait, des changements qu'on essaie d'apporter aux organisations. Donc, la Ville s'est dit, ben, on va en profiter de la part de ces technologies-là et de la part qu'on peut aller chercher en matière d'indicateurs de la part des systèmes d'information géographique pour changer la manière dont on planifie l'aménagement. Alors, c'est un vaste projet et l'idée qui nous a été présentée par Peter W. Murphy de la Ville de Québec, c'est de mettre en application ce qui aura été testé donc en 2019, mais il y a déjà des projets pilotes qui ont été réalisés. La rue Anna dans Saint-Sauveur a été refaite en fonction de ces critères-là. La route de l'église à Sainte-Foy le sera en 2018 aussi. Il y a d'autres secteurs qui sont à l'étude. Donc, l'idée, c'est que présentement, on part de la rue et on s'en va vers les côtés de la rue pour planifier l'aménagement de l'espace. Donc, on dit ben comment on organiserait le passage des automobiles, des camions, des véhicules motorisés. Et ensuite, ben, on essaie de voir, en fonction de cette nécessité d'usage-là, comment on organise l'espace pour les vélos, les piétons et les autres types de mobilité. Et là, ce qu'on dit, une rue conviviale, ben, c'est plutôt de penser l'artère du bord vers le centre. Donc, de commencer d'abord par les usages piétons, d'abord par les usages cyclistes, de qualifier, de comprendre l'impact qu'a cette rue-là dans son milieu de vie, dans son espace dans lequel il se trouve, les lieux qu'elle va en venir à relier, le contexte social dans lequel elle se place. Donc, de définir, de bien cadrer tout ça, de bien comprendre quels vont être les utilisateurs en mobilité douce, si on peut dire, de l'espace, et ensuite, ben, de définir en fonction de ces paramètres-là, quel sera l'espace qui sera ensuite laissé pour l'auto, pour l'autobus, pour les camions. Donc, on y va avec une série de facteurs, une série de critères. Donc, on va quand même assez loin dans l'analyse, là. Je te ressors ça. On va chercher, par exemple, des indices de défavorisation, des îlots de chaleur, quels sont les parcs, les écoles, c'est quoi la planification à venir au niveau cyclable, au niveau transport collectif, c'est quoi les défis au niveau du délègement, l'affectation du sol, le potentiel archéologique, l'activité humaine, etc. Donc, on va chercher à peu près 35 indicateurs et on accorde, et là, c'est il y a les systèmes informatiques, évidemment, qui vont mettre ces facteurs-là ensemble, qui vont donner une qualification du territoire. Et le côté humain, bien, lui, va donner une valeur différente à certains indicateurs en fonction aussi de ce qu'on aura compris du secteur. Mm-hmm. Il nous donnait l'exemple, par exemple, de la rue Monseigneur Plessis à Vanier. On disait, mais regardez, dans ce cas-là, la valeur principale qu'on tenterait de donner, c'est les écoles. Donc, on dit, c'est un quartier dans lequel on veut encourager les déplacements actifs. Il y a 3 écoles dans ce secteur-là qui sont liées par la rue Monseigneur Plessis. Donc, de quelle manière on peut, avec ces données-là en tête, donc utiliser l'aménagement de la rue de façon conviviale pour favoriser la mobilité à l'intérieur de l'école. Et là, c'est de voir où les familles habitent et quel chemin les jeunes écoliers vont emprunter, par exemple, des choses comme ça. Par exemple, de voir aussi, est-ce qu'il y a un couvert forestier raisonnable pour que la marche en été, ça soit correct? Est-ce qu'au niveau du déneigement, les planifications sont adéquates? Est-ce qu'il y a assez d'espace? Est-ce qu'on relie bien les écoles? Est-ce que on doit donner une plus grande priorité au transport en commun ou à l'auto? Ou est-ce que c'est un quartier où, justement, il y a plus d'usagers de l'autobus, donc on peut donner une vocation secondaire à ce type d'usage-là. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez large. J'ai trouvé ça assez intéressant. Et évidemment, on parlait de changement culturel du côté du RTC. Je pense que c'en est un autre bel exemple. Donc, de dire, ben, avec les technologies, on peut réussir à changer, je dirais pas à 180 degrés, mais j'ai presque envie de le dire, de changer notre manière d'envisager l'aménagement. Et c'est vraiment un nouveau paradigme. Oui. Là, il y a 10-15 ans, les villes travaillaient pas de cette manière-là. Ils pouvaient pas nécessairement, en fait, parce que pour croiser ces données-là, croiser cartographiquement, ça se faisait. Mais pour les récolter, pour les analyser, pour les mettre ensemble, ça va aussi beaucoup plus rapidement avec des outils technologiques. Et quand on parle de changer, par exemple, l'importance donnée à certaines zones, certains trucs, ben, en un clic, en deux clics, en une demi-heure peut-être, ça peut se faire, ça peut se changer. Une fois que la donnée est entièrement disponible, il y a des logiciels extrêmement intéressants qui ont été développés. Alors, ça reste à voir. Et parallèlement, j'ajouterais aussi que l'idée de la ville avec ça, c'est de s'insérer dans une initiative mondiale qui s'appelle Complete Streets. Et encore là, ben, le numérique vient soutenir cette communauté-là qui est en train de se bâtir. La ville veut fournir ses résultats, ses réflexions à d'autres villes, avoir le retour d'autres villes sur sa perception de ce programme-là. Bref, il y a une notion d'échange qui aussi est supporté par le numérique. Alors, c'est assez intéressant. Évidemment, tout ça soutenu par les systèmes d'information géographique qui deviennent un bel outil à bonifier, dans le fond, avec les technologies. Très bien. Ben, très intéressant, Raymond. Là, ce matin, il y a le maire de Québec, Régis Labeaume, qui nous dit qu'il est un peu pressé de réaliser son service rapide par bus. Selon lui, ça pourrait se faire avant 2022. J'espère qu'on va prendre le temps d'analyser, en tout cas, toutes ces données-là pour avoir le meilleur tracé, parce que ça, en tout cas, c'est le genre de projet qui change beaucoup de choses dans la mobilité des gens. Et je présume que des systèmes d'information géographique, comme tu nous l'expliquais ce matin, j'espère qu'on utilise ces systèmes-là là, pour bâtir le réseau du SRB. Et évidemment, et même à l'inverse, M. Murphy disait, ben, regardez, les études qu'on a faites pour la SRB nous ont permis d'accéder à beaucoup de données qui viennent aussi enrichir l'approche de rue conviviale qu'on essaie de mettre en place. Ah oui. Très bien. Raymond Poirier, ben, merci beaucoup. C'est toujours aussi intéressant. Et on te retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique. À bientôt, Raymond.